Retour, on va se marrer. Ouais. Spécial candidateur avec René Marc et sa religieuse. Alain qui nous parle du festival, enfin du Rotary, organisé par le Rotary Club à côté de Paris, donc à Tigerie. Voilà. Qui est donc un festival de blagues gays. Voilà. Oui. On sent qu'on va bien se marrer à ce festival, hein, quand même. Hein. Ça va cartonner. En attendant, il faut marquer des points. Il y a deux équipes, on vous le rappelle, ouais. Les Schneck face aux Gaëtan, avec deux cartes, une carte par équipe. Alors, on fait toujours choisir Bob, ouais. La une ou la deux. Mais là, aujourd'hui, j'ai un assistant. Alors, l'assistant du vampire. Tu reposes moi. Eh bien, la deux, alors. Ah, la deux. D'ailleurs, on va commencer par vous. Ça sera ta faute. Parce que c'est l'équipe c'est des c'est vous qui êtes menés, hein, les Schneck. Alors, d'accord. Six questions par carte. But du jeu, répondre au maximum de questions. Vous avez le droit de vous consulter. Dans ces cas-là, si vous donnez la bonne réponse, c'est un point. Vous avez le droit aussi de oui, mais tu as le droit aussi de ne pas te consulter. Et oui. Et dans ces cas-là, qu'est-ce que tu fais si tu te consultes pas? Tu dis cache. Voilà, tu dis cache. Donne la réponse, la bonne. Sinon tu sautes par la fenêtre. Oh. Deux points. Et tu marques deux points. Si vous ne savez pas, vous avez le droit chacun un joker téléphone. Enfin chaque équipe une seule fois. C'est vrai, ouais. On peut appeler quelqu'un de votre part. Et puis si l'équipe adverse échoue, vous avez le droit de répondre à sa place. Et pour René Marc, je précise que c'est échoue à la crème. Oh. Puisqu'il vient de terminer sa religieuse. Non, non, il a la mangé première que le partie. Ah. Il en a plein à la bouche, mais il l'a pas fini encore. Mais la première alors partie. Surtout le fait de pas rire. Oui, la je première partie de oui, la je bouffe des religieuses. Et alors si tu ris, tu regardes la basse. Ah, moi, je prends dans la gueule encore, comme d'habitude. Voilà, alors moi, je voudrais bien quand même me mettre à la place d'un auditeur qui allume à l'instant et qui entend François dire à propos de René Marc, il se la fout dans la bouche et après, il va se la prendre dans la gueule. Comme d'habitude, en plus. Il est pas mal, hein. Le roi de la bifle. Vas-y, amène. Bon, alors, attention, l'équipe des Schneck, c'est parti. Attends, joue avec qui, nous? C'est vous. C'est vous trois. C'est nous, là. Salut. Ouais. Salut, ça va? Ce sont tes amis. Ils font partie de ton équipe, de mon clan. Pour quel film? Pour quel film? Moebius a-t-il dessiné le décor? Je sais même pas qui c'est. Oh merde, dessinateur de BD, très grand dessinateur de BD. Voilà, et donc il a dessiné le décor d'un film. Lequel? La Ruby Cabrac, c'est qui? Non, ça c'est Gottlieb. Ça c'est Gottlieb, ah, c'est rien pas à voir, Moebius c'était une BD, plutôt de science-fiction, tout ça. Mais quel film? C'est facile. Vous n'avez pas un fan de... Black et Mortimer? Non, c'est rien à voir. C'est paru dans Pilote. Non, Black et Mortimer, c'est plus ancien, ça, c'est un autre dessinateur. Bob, toi qui aimes bien le cinéma d'auteur. La foire aux immortels. Moebius. Laisse-moi avec ta religieuse. I don't know. Ah, donc pas de proposition de film. Nous savons, hein. Oui, oh, ça va. Hélas. Pas de avec sa religieuse en bouche. Non, c'est pas. Alors la main passe pour les Gaëtan. Lui va. C'est la foire aux immortels, mais le titre. Le cinquième élément. Le cinquième élément, c'est une bonne réponse. Cinéma, tu me fais moi confiance. Donc il marque un point parce qu'il a pas dit cash. Non mais eux ils peuvent pas faire cash. Ils peuvent pas faire sur la carte des autres. Ah bah il manquerait plus que ça qu'ils puissent faire cash. Quelle fleur? On cherche une fleur. Voilà, de montagne est également connue sous le nom d'immortel des neiges. Ah c'est pas la crocus, les crocus. Non. Arzon, c'est très facile. Edelweiss. Bravo. Ouais, ah, je sais pas, comme vous êtes en train de vous consulter, j'attends la réponse finale. Edelweiss. Je sais pas, Edelweiss. Cash, c'est trop tard. On va dire Edelweiss quand même. Oui, c'est une bonne réponse. C'est Cash. Dans une oreille d'Edelweiss. Hein? Pour des questions plus faciles non plus. Quel assassinat est considéré comme le déclencheur de la Première Guerre mondiale? Le dernier album de Patrick Bruel. Tu fais Cash? L'assassinat de. Du roi de. Du roi. Non, alors il sait pas. Cash, c'est l'assassinat de l'archiduc. Il faut pas qu'il gagne. De quel archiduc? Archiduc d'Autriche. Archiduc d'Autriche. Il s'appelle comment? Oui, oh si, c'est bon, c'est François. François. Non, ils ont pas dit le nom. C'est pas normal. L'affaire, mais qui adverse? Comment il s'appelle déjà? Comment s'appelle? François Hollande. Beaucoup aimeraient. Comment s'appelle l'île de la baie de New York par laquelle passaient obligatoirement les immigrants arrivant aux États-Unis? C'est pas Lampedusa, je pense pas. Mykonos. L'île de la tentation. Koh-Lanta. C'est pas Long Island. Je te suivrai là. T'as jamais été à New York, toi, non. François? Non, jamais, à part l'île de Manhattan, c'est tout ce que je connais, quoi. Ouais. C'est l'île à vilaine. Je sais pas, vous, qu'est-ce que. Long Island. Quand de Manhattan! Cher camarade, qu'en dites-vous? Je sais pas, décidons-nous. Décidons-nous. Ah, moi, je connais rien en question, c'est beaucoup trop dur pour moi. Oh non! D'habitude, ça te dérange. Oh parce que mais c'est pas possible. Bon, Fred, c'est suffit, là. Ça dépend. Manhattan, c'est une île. C'est... Ah oui, c'est une île. Ah bah oui. Hein. Bon. Uh-huh. Alors. Bah on va dire ça. Eh bah voilà. L'île de Manhattan. Ça, l'île de Manhattan. Non. Ellis Island. Ellis Island. Oh, yes. Bonne réponse. Bravo. Écoute. Et toc. Et là, c'est une question pour François. Ah. Parce que la dernière fois. Chantal eu... là-dessous, non. Non. Il y a une question sport la dernière fois qui a été posée. T'as trouvé la réponse tout de suite. Alors attention. Pardon, Bob. Qui a marqué le but en or lors de la finale de l'Euro en 2000? Bah. C'est pas très. Je pense à Trezeguet. Il est au bord du cash. Faut dire cash là si tu sais. Pas Trezeguet. Trezeguet en 2000. Non, en 2000. En 2000. Oui, t'étais né. Il avait 3 ans. Mais tu l'as trouvé l'autre jour, le footballeur. Cristiano Ronaldo, cash. Mais il avait 4 ans. Oh bah alors, pauvre con, tu pouvais pas me dire. Ah non, mais l'un comme l'autre, c'est inutile. Bon. Hein, le sport, ils connaissent pas. Ah ben, alors, tu proposes quoi, toi? Moi, je proposerais Trezeguet. J'ai un vague souvenir d'un match de l'Euro 2000. Ah bon Trezeguet avait fait un putain de Trezeguet. On te suit, alors. Alors, bon, ben. Oui, mais vous avez déjà Trezeguet. Répondu. Hein. Non. Mais non, c'était pour rire, on se consultait. Oh, ça va. Frère. Alors, la réponse finale. On dit Trezeguet. Allez. Qui tente rien. Eh bien, c'est correct. Ouais. Il a raison. Aymeric de Guy. Parce que moi, j'y connais rien à ce match, mais je savais qu'ils étaient très épédés. Ah, alors là, là, tu vas pouvoir faire ton cash. Parce que là, tu le connais. Ah. Dans quelle chanson Plastique Bertrand raconte-t-il avoir eu un flash en quatre couleurs? West Fastoche. La bonne du curé. Flash en quatre couleurs. Oui. En quatre couleurs. Se cache, c'est plein pour moi. Bonne réponse. Mais vous l'avez pas aidé. Pas du tout. À part ça, vous n'avez pas trouvé la réponse. Alors je vais te dire, ils vont pas aider. Mais tu sais même pas qui est Plastique Bertrand. Mais si, je sais bien qui est Plastique Bertrand. Ah bon, c'est qui? Oui, c'est un cela, chanteur. Oui. Il chantait Où sont les femmes? Non, c'est pas ça. Non. Ah, au bûcher. Eh, pour le plastique, saute, t'as raison, dehors. Mais Bertrand, t'as faux, là. Bob. Patrick, Plastique Bertrand, oui. Il est mort, le pauvre. Ah bon? Quoi? Mais cet hiver, ils l'ont mis à côté d'un radiateur, il a fondu. Elle a 35 ans, ce mec. Bob, ça te fait quoi d'avoir aussi bon que Maurice pour répondre aux questions? Bah, mais c'est son fauteuil qui est maudit. Je suis habitué, mais j'ai une revendication, il n'arrête pas de me toucher. Ça me et je vous rappelle quand même que la dernière fois que François est venu, il était dans mon équipe et on a perdu. Hein. Sauf que j'avais toutes les bonnes réponses. Oui, c'est vrai qu'on a écouté l'émission, il a donné toutes les bonnes réponses, ah. C'est de ta faute. Non, pas du tout. Donc il faut que je sois dans l'équipe de Fred pour qu'il nous fasse perdre, mais que j'ai les bonnes réponses. Voilà. Oh, c'est trop compliqué. Oui, bien sûr. Ma vie est compliquée. Voilà. Bon, alors, une très courte. Car il y a votre carte, René Marc. Il y a votre carte. Oui, et donc On va voir si vous avez gagné. C'est à nous, là, c'est oui, mais alors il y a une pause, là, parce qu'on passe le dernier disque de Plastique Bertrand. Ah non, c'est à nous maintenant. Plastique Bertrand, et on revient juste après. Ouais.